Bientôt, il y eut dans leur dialogue de grands intervalles de silence. Quelquefois, une sorte de pudeur sexuelle les faisait rougir l'un devant l'autre. Toutes les précautions pour cacher leur amour le dévoilaient. Plus ils devenaient forts, plus leur manière était contenue. Par l'exercice d'un tel mensonge, leur sensibilité s'exaspéra. Ils jouissaient délicieusement de la senteur des feuilles humides. Ils souffraient du vent d'est. Ils avaient des irritations sans cause, des pressentiments funèbres. Un bruit de pas, le craquement d'une boiserie, leur causait des épouvantes comme s'ils avaient été coupables. Ils se sentaient poussés vers un abîme. Une atmosphère orageuse les enveloppait. Et, quand des doléances échappaient à Frédéric, elle s'accusait elle-même. « Oui, je fais mal. J'ai l'air d'une coquette. Ne venez donc plus. » Alors, il répétait les mêmes serments qu'elle écoutait chaque fois avec plaisir. Son retour à Paris et les embarras du jour de l'an suspendirent un peu leurs entrevues. Quand il revint, il avait dans les allures quelque chose de plus hardi. Elle sortait à chaque minute pour donner des ordres et recevait, malgré ses prières, tous les bourgeois qui venaient la voir. On se livrait alors à des conversations sur Léotade, M. Guizot, le pape, l'insurrection de Palerme et le banquier du 12e arrondissement, lequel inspirait des inquiétudes. Frédéric se soulageait en déblatérant contre le pouvoir, car il souhaitait, comme des lauriers, un bouleversement universel, tant il était maintenant aigri. Madame Arnoux, de son côté, devenait sombre. Son mari, prodiguant des extravagances, entretenait une ouvrière de la manufacture, celle qu'on appelait la Bordelaise. Madame Arnoux la prit elle-même à Frédéric. Il voulait tirer de là un argument, entre guillemets, puisqu'on la trahissait. « Oh, je ne m'en trouble guère, » dit-elle. Cette déclaration lui parut affermir complètement leur intimité. Arnoux s'en méfiait-il ? Non, pas maintenant. Elle lui conta qu'un soir, il les avait laissés en tête-à-tête, puis était revenu, avait écouté derrière la porte, et, comme tous deux parlaient de choses indifférentes, ils vivaient, depuis ce temps-là, dans une entière sécurité. « Avec raison, n'est-ce pas ? » dit amèrement Frédéric. « Oui, sans doute. » Elle aurait mieux fait de ne pas risquer un pareil mot.